L'illustré. Très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Tout de suite, c'est Histoire vivante sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, des chaînes à la productivité. La partie mécanique étant terminée, la carrosserie descend à son tour sur la chaîne. L'invention du management. Au management, il faut être intelligent, mais il ne faut pas être trop intelligent. L'amélioration des relations entre patrons et ouvriers crée un climat de détente même entre ouvriers. Un industriel place son argent, un banquier déplace le sien. Quand on est un grand industriel, on a le pouvoir de façonner le monde à travers les objets que l'on va produire en masse. Il y a des gens dont la puissance est faite de tout l'argent qu'ils ont prêté. Il y en a d'autres dont toute la force est dans l'argent qu'ils doivent. Puis-je vous demander de vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Oui, alors je m'appelle Marc Mousseli, je suis parisien. J'ai été longtemps manager dans différentes organisations, de la PME jusqu'à l'une des plus grandes entreprises françaises, la SNCF. J'ai été aussi consultant, essentiellement en management et prospective. Et je suis toujours un peu enseignant au Conservatoire national des arts et métiers en prospective. Parmi les grandes figures du management que vous nous présentez dans cet ouvrage paru aux éditions Les Petits Matins, Alternatives économiques, il en est un, Michel Crozier. Le chapitre que vous lui consacrez est titré « L'acteur dans le système ». Lui, je l'ai baptisé d'entomologiste. L'une de ses passions, l'observation minutieuse, mais sans malice, de la vie quotidienne des employés. Il va rédiger un ouvrage au début des années 60, Le phénomène bureaucratique. Et ce qu'il dit, c'est que la bureaucratie, donc je le répète, dans les années 60, finit par trouver sa limite. Et pourquoi elle a trouvé sa limite? C'est parce que est monté autour quelque chose qui s'appelle la complexité et l'effet de boucle, sur lesquels travailleront plus tard quantité de gens, dont des gens comme Edgar Morin ou autre. Voilà. Alors, c'est vrai que Crozier semble être le premier ou l'un de ceux qui modifie la perspective, en quelque sorte. Est-ce que vous pourriez nous le présenter et présenter ses travaux et son approche? Michel Crozier, donc, qui nous a quittés assez récemment, est un homme qui s'intéresse au management à la française. C'est-à-dire que quand vous regardez la littérature sur le management, ce qui vous frappe, c'est qu'elle est essentiellement anglo-saxonne et beaucoup américaine. En France, on n'a pas des théoriciens du management comme les Américains, parce que les Américains ont pris le management dès le début très au sérieux. En France, beaucoup moins. On a des ingénieurs. Et puis, à côté de ces ingénieurs, on a des sociologues. Et Michel Crozier est avant tout sociologue. Simplement, il a eu plusieurs champs d'application de la sociologie, dont les entreprises, le travail. Il fait partie de ceux qui, après des études, qui étaient au départ des études un peu commerciales, et puis qui très vite ont tourné vers la sociologie, a voulu faire un travail tout simplement de sociologue, son métier de sociologue. Et il a trouvé des entreprises, des très grandes entreprises françaises, qui lui ont permis de faire ce travail. Dont en particulier quelque chose qui a disparu aujourd'hui, qui était le CEITA, le service des tabacs et allumettes, qui était un service national. Et puis aussi un autre service qui lui n'existe plus sous la même forme non plus, qui était les chèques postaux. Dans ces très grands bureaux, ces très grands ateliers, il a effectivement fait un travail d'observation extrêmement minutieux. Et il a eu surtout la chance de pouvoir le faire pendant des mois et des mois. À chaque fois, il avait des budgets qui lui permettaient, dans ces très grandes entreprises, de travailler très longtemps. Qu'est-ce qui motive cette approche-là chez lui? Alors, tout simplement, une approche sociologique, c'est-à-dire vouloir regarder comment les gens travaillaient, se comportaient entre eux, etc. Regardez ça en dépassant les apparences. Alors vous avez par exemple un organigramme. Organigramme, pour Crozier, c'est un point de départ. Bon. Mais ça ne veut pas du tout dire que les gens qui sont en bas de l'organigramme obéissent dans tous leurs gestes à ceux qui sont au-dessus, ni même qui font ce que les gens au-dessus attendent. Ce qu'il faut, c'est aller voir dans la réalité comment ça se passe. L'une des découvertes fondamentales quand même qu'il a faites, c'est que chaque homme est un stratège, hein, c'est-à-dire qu'il a ses propres stratégies pour survivre, pour se fatiguer le moins possible, gagner le plus possible, etc. Enfin, et puis avoir la considération et le respect des autres. Donc, il a déterminé que, par exemple, dans un atelier, où théoriquement il y avait des chefs, des contremaîtres, des cadres, etc., l'homme qui avait le pouvoir, c'était l'ouvrier de maintenance. Ça, c'est un renversement majeur. Parce que, bien sûr, si une machine était en panne... Il est au plus près. Alors, non seulement il est au plus près, mais comme il n'y avait pas, bien sûr, un ouvrier de maintenance derrière chaque machine, il pouvait choisir à qui il allait donner un coup de main. Qui il allait... Donc, il avait un pouvoir, parce que les gens qui étaient plus ou moins payés avec des primes, etc., ils avaient intérêt à ce que la machine fonctionne le plus vite possible. Le chef, qui lui aussi avait des objectifs, il avait intérêt à ce que ces machines fonctionnent bien. Donc, l'ouvrier de maintenance, il a une position, dans ce cas-là, dans cet atelier, qui est une position stratégique. Il peut choisir à qui il fait plaisir, qui il pénalise, etc. Et bien sûr, il peut faire ça de façon honnête, mais quand même... En faisant en sorte d'en tirer une reconnaissance et un certain nombre d'avantages le jour où il a besoin de partir une heure avant, ou etc. Mais Crozier ajoute quelque chose qui définitivement me le rend extrêmement sympathique. C'est au fond, pour qu'une organisation fonctionne, et il faut être attentif à créer des zones de flou. Quelque chose qui relèverait du poumon, à la fois pour que ça respire, mais surtout pour que ça résiste à peu près à tout. S'il y a du flou, ça résiste. Oui, oui. Alors, c'était d'ailleurs théorisé par un autre de mes auteurs, là, qui est James March. Alors, March parle d'un mot anglais, le slack. Hein, c'est-à-dire, effectivement, le flou... Alors, qu'est-ce que c'est ce slack? C'est ça, c'est le slack, c'est ça, c'est... Le flou, c'est le jeu, ce qu'on appelle le jeu dans une machine, etc. J-E-U. J-E-U, oui, ouais. Le jeu, hein, avoir du jeu. Il faut pas que les choses soient trop serrées, si vous voulez, trop ficelées d'avance. Il faut effectivement qu'il y ait un peu de flou, un peu de jeu dans les engrenages, dans les rouages. Parce que le vivant, ça travaille, voilà, c'est comme le bois, hein, le bois. Alors, d'un tonneau. Vous avez un exemple à contrario. Vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on a appelé le re-engineering, hein, la reconfiguration des processus pendant un moment, là, qui était très très à la mode, hein, dans les années 90. C'était des ingénieurs, d'ailleurs, deux ingénieurs, hein, Hammer et Champy, qui se sont dit, mais qu'est-ce que ça fonctionne mal quand même, ces entreprises? Pff, c'est terrifiant, quoi, parce que il y a vraiment de la déperdition partout. Et à ce moment-là, il commence à y avoir des services informatiques puissants. Alors, ils se sont dit, bah, c'est simple. On va reconfigurer tous les processus en optimisant les systèmes informatiques. Donc, on optimise les systèmes informatiques et on reconstruit autour de ces systèmes informatiques optimisés les processus. Donc, on avait un truc où il n'y avait plus de flou, plus de mou, plus de jeu. Avec ces systèmes de reconfiguration, les entreprises qui faisaient ça bien pouvaient gagner 30% ou 40% de leurs coûts. C'était pas rien. Alors, les entreprises qui faisaient ça bien, c'est-à-dire aucune, pratiquement. Ouais, ça a été un fiasco monumental. Monumental. Aye. 80% des entreprises s'étaient lancées là-dedans. Et très vite, ils se sont aperçus que ça collait pas, quoi. Parce qu'ils avaient oublié que dans les entreprises, il y avait des hommes, oui, des femmes, quoi. Et que les hommes et les femmes, ils savent pas travailler de cette façon-là. C'est pas des circuits électroniques. Alors, par la suite, quelques années après, d'ailleurs, l'un des pères de la méthode de re-engineering, là, a avoué dans un bouquin ou dans une interview qu'ils avaient fait une erreur colossale et qu'ils avaient oublié qu'il y avait des hommes dans les entreprises. Quoi. Il l'a reconnu a posteriori. Quoi. Alors, Crozier, lui, bien avant eux, il avait parfaitement compris ces choses-là. À un œil de sociologue et de scientifique, parce que c'était un grand scientifique. Sur 50 millions d'habitants, la France compte un peu plus de 20 millions de personnes actives, dont 10 millions, c'est-à-dire la moitié, sont employées dans un bureau ou quelque chose qui ressemble à un bureau. Cette réalité qui peut sembler paradoxale dans une civilisation est prise de rendement et l'héritage d'un phénomène économique et social qui ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce que cette société bureaucratique actuelle n'était pas une nécessité autrefois ? Eh bien, elle était en partie une nécessité. Il s'agissait d'organiser une société policée qui garantisse la sécurité et qui accorde à tout le monde une protection et qui permette de ne pas dépendre d'autrui. Et nous avions réussi en France un équilibre assez satisfaisant. Mais c'est un équilibre qui ne correspond plus aux besoins et aux difficultés de l'époque moderne. Ce qui est intéressant avec Crozier et également ce dont vous nous avez déjà parlé, Marc Mously, c'est qu'on sent bien que qu'il fasse partie du monde de l'entreprise, qu'il soit, comme c'est le cas de Crozier, qu'il appartienne au monde de la sociologie, ces gens-là sont en interaction avec leur temps, avec leur époque. Marc Mously, quand il rédige son bouquin « Le phénomène bureaucratique », c'est en 63, hein, pas besoin d'être grand mathématicien pour dire que c'est 5 ans avant 68. Donc l'atmosphère ambiante joue et impacte forcément sur les approches, qu'elles soient théoriques ou fondées sur la pratique comme d'autres, ou sociologique, comme c'est le cas par exemple pour un Crozier. Il y a toujours un dialogue avec l'époque et avec le temps. Crozier, lui, a une particularité, c'est que il s'est aperçu ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la très grande attention qu'avaient les Américains au management, et il a passé une grande partie de sa vie à voyager entre les deux rives de l'Atlantique. Il a passé beaucoup de temps aux États-Unis. Alors, il avait un attachement viscéral à la France. Il a jamais réussi à s'installer définitivement de l'autre côté. Hein. On lui a proposé des postes au MIT, à Harvard, etc. Il n'a jamais... Il est allé pour des périodes d'un an, 1 an et demi, 2 ans, mais il a fait traduire en France le bouquin de Simon et March sur les organisations. Hein. Il a élargi donc sa vision de façon importante. Il a pris en compte ce qui était absolument nécessaire à l'époque, mais tout le monde ne le faisait pas, la complexité dont vous parliez tout à l'heure. Et Crozier, donc, a travaillé sur ces questions de complexité. Il a écrit un autre bouquin qui est extrêmement important aussi, c'est « L'acteur et le système ». Et le système, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est justement regarder les choses dans leur complexité. Un système, en particulier les systèmes comme ceux-là, c'est-à-dire les systèmes humains, des systèmes, ce qu'on appelle les systèmes ouverts. Si vous voulez vraiment avancer, si vous voulez travailler de façon intelligente, il faut que vous compreniez que le monde, d'une façon générale, et en particulier le monde de l'entreprise, travaille comme un système. Il faut avoir une approche systémique. Et le système, qu'est-ce que c'est ? C'est des interrelations, c'est des jeux de pouvoir, c'est ce qu'on appelle des sous-systèmes qui sont parfois aussi complexes que le système dans son ensemble. Vous voyez ? C'est tout ça. Hein ? Il n'y a rien de mécanique, là. Training and retraining of management and of people. It's no good to tell somebody to do something when he does not understand why. You could tell me to wash that table. I would not know what to do if you don't tell me what you're going to use it for. Dr. Deming's point is that not only must the workforce be trained to do the job, it must know what the job is and why it is being done. Marc Mously, parmi les grandes figures du management que vous avez réunies et qui s'étale à peu près sur le siècle, fin du 19e jusqu'au début du 21e siècle, il y a un virage extrêmement important qui passe par William Edward Deming. Alors pourquoi c'est un virage important ? Parce que c'est celui qui permet de quitter en quelque sorte le monde anglo-saxon, strictement anglo-saxon, strictement américain, pour faire le pont, la passerelle, avec une zone qui va jouer un rôle important à partir du milieu du XXe siècle, en l'occurrence l'Asie et plus précisément le Japon. Vous titrez d'ailleurs le chapitre que vous consacrez à William Edward Deming, « L'Américain qui a appris la qualité aux Japonais », cette idée du département de la qualité qu'il va imaginer ou peut-être fonder, vous nous le préciserez. C'est une nouveauté dans l'entreprise, c'est quelque chose qui n'avait pas été posé auparavant? La qualité, donc, c'était souvent simplement le fait de bien faire un travail, d'avoir une machine qui fonctionne quand elle sort de l'usine. Et Deming a permis à cette notion de qualité de faire un saut, un bond. On n'avait pas la qualité en tant que sous-produit, mais la qualité à l'origine de tout. Donc, ce qu'on a appelé le management par la qualité totale, et que moi j'appelle plutôt le management par la qualité globale. Pourquoi globale? Parce que ce que les Japonais, à la suite de Deming, ont compris, c'est que si on voulait faire de la qualité, il suffisait pas de sortir une voiture qui roulait bien et dans laquelle il n'y avait pas de panne à échéance brève. Il fallait aussi que l'ensemble du processus qui permettait de sortir cette voiture soit mis en qualité. Une approche qui est une approche encore là systémique, donc globale. Qualité à tous les étages, autrement dit. Oui, et globale. Et globale. Oui, globale, c'est-à-dire que c'est un système. Il faut que toutes les relations soient étudiées, il faut que tous les sous-systèmes soient mis en qualité, optimisés, etc. Alors, Deming est arrivé donc avec un passé de qualité par des méthodes quantitatives, par des méthodes statistiques, etc. Il est parti au Japon pour aider les Japonais à faire une opération qui est extrêmement statistique, puisque c'était un recensement après la guerre. Il s'est pris de passion pour les Japonais. Les Japonais, c'était un peuple qu'il a trouvé fier, travailleur, qui vivait dans des conditions terribles après la guerre, parce que le Japon avait été détruit. Et comme il avait, en dehors de son aspect purement statisticien, qui venait faire le recensement, il avait tout son passé de qualiticien statistique, il a commencé à faire des conférences là-bas, à travailler avec eux. Et alors, il leur a apporté, mais surtout, il a semé dans un terrain qui était déjà très favorable. Les patrons japonais avaient commencé déjà à s'intéresser aux questions de qualité, aux questions de statistiques et tout ça, quoi. Et ils ont compris donc ce qu'ils pouvaient tirer de lui. Et puis je crois, alors là ça engage que moi, mais je crois que Deming avait une grande qualité en management. C'était un homme intelligent, mais pas trop. En management, il faut être intelligent, mais il faut pas être trop intelligent. Il faut avoir un petit côté obstiné, un petit côté limité. Et Deming, il avait ça. Quand il voulait quelque chose, il le voulait très très fort. Moi, je l'ai défini comme propagandiste humble, mais ferme. Voilà, c'est ça. Ça va. À quel type de patron Deming s'adresse-t-il? Est-ce que c'est un type d'entreprise particulier ou c'est recevable aussi bien dans l'automobile que dans la construction d'immeubles, que dans que sais-je? Là, vous touchez du doigt une particularité du management. C'est que ça s'adresse à toutes les entreprises. Mais ça a commencé par l'automobile, comme partout. Si vous voulez, aujourd'hui, si vous vous intéressez vraiment au management, vous vous intéressez à ce qui se passe dans les usines de Renault, de Peugeot, de Toyota, etc. Et vous avez des organismes de recherche extrêmement puissants, comme le GERPISA, par exemple, qui est entièrement tourné vers les industries automobiles. Donc, l'automobile, pourquoi? C'est le labo. C'est un peu le labo, oui, pour le management. Pourquoi? Bah parce que il y a des problèmes qui sont des problèmes de masse de production. Une usine de montage, c'est quand même quelque chose. Il y a des problèmes de qualification extrêmement différentes, des problèmes, les interventions humaines, la robotisation. Il y a des problèmes de sous-traitance. Il y a des problèmes ensuite à la sortie qui sont des problèmes donc de livraison, de financement, de marketing, etc. De risque. De risque. Donc, depuis General Motors de Sloan, qui a inventé l'organisation matricielle, qui a en grande partie inventé la segmentation marketing, d'une certaine façon, jusqu'à aujourd'hui, Toyota ou la Smart, qui sont des organisations très particulières, l'automobile a toujours été en pointe. Retournons en arrière, au début de notre siècle. À l'époque où des inventeurs européens et américains s'efforçaient de créer une voiture à laquelle il ne serait plus nécessaire d'atteler des chevaux. Le public admirait ce nouvel engin dont l'utilité pour le travail et le tourisme était apparente. Mais une importante difficulté subsistait. Le commun des mortels ne pouvait pas se permettre d'acheter une voiture. C'est alors qu'Henry Ford eut l'idée qu'on pourrait économiser du temps, des efforts et de l'argent en modifiant les procédés de fabrication. Ce ne seraient plus les ouvriers qui se déplaceraient de voiture en voiture, mais les voitures qui passeraient devant les ouvriers stationnaires. La première chaîne de montage était née. La production d'automobiles dans de nombreux pays du monde indique jusqu'à quel point il est possible aux citoyens moyens de posséder aujourd'hui les appareils et les machines livrés par l'industrie moderne. Et alors, dans l'automobile, donc, l'illustration là au Japon a été colossale, formidable, parce que à partir de la qualité, on a fait une deuxième révolution managériale. Après celle de Taylor, il y a eu celle de Toyota, avec en particulier un homme dont je parle dans ce livre-là, Taishi Ono. Voilà. Bah d'ailleurs, on peut effectivement le introduire, le Taishi Ono, dont l'objectif, l'un des objectifs, c'est de rattraper les Américains, évidemment, dans le domaine de l'automobile. Et quand on imagine ce que peut être à l'époque la suprématie américaine, on réalise à quel point ce défi n'est pas mince. Il va élaborer, ce Taishi Ono, les éléments propres à l'industrie du Japon, déjà en s'intéressant au plus près à la taille, au potentiel de développement immédiat. Il ne s'agit pas de penser comme si on habitait dans un autre espace, il s'agit de prendre en compte déjà au départ l'espace dans lequel on se trouve, et évidemment la population qui s'y trouve rattachée. Mais vous en parlerez bien mieux que moi, Marc Mousseli. Ono et plus généralement Toyota, parce que moi j'ai mis bien sûr le focus sur Ono, parce que c'est une figure très importante, mais les Japonais eux-mêmes effacent un peu les individualités. C'était Toyota en général. Alors, Toyota, et en particulier Ono, donc, avait l'ambition de rattraper les Américains. Il y avait une contrainte qui était forte, puisque le modèle de la voiture que tout le monde avait en tête, c'était le modèle Ford, modèle fordien, Ford qui a réussi à faire son fameux modèle T pendant 30 ans, et tous les ans, il améliorait la production pour que son modèle T soit toujours moins cher. Il est arrivé à des performances extraordinaires. Bon. Mais ça jouait sur quoi? Ça jouait essentiellement sur les économies d'échelle, et sur, bien sûr, la taylorisation, c'est-à-dire... Économies d'échelle, c'est-à-dire qu'il produisait beaucoup plus. Voilà. Il produisait toujours plus, il évitait les variantes, d'où la fameuse boutade, vous voulez une voiture, je vous l'offre de n'importe quelle couleur à condition qu'elle soit noire. Il évitait les variantes, il standardisait au maximum. Bon. C'était un modèle qui marchait très très bien à partir du moment où vous étiez sur un marché en progression forte et où vous aviez effectivement un marché énorme avec un pouvoir d'achat qui montait, etc., ce qui était le cas des États-Unis. Au Japon, il y avait très peu de marché intérieur parce que les Japonais, bien sûr, étaient ruinés. Il y avait donc assez peu de possibilités de vendre des voitures en quantité importante à ces gens qui étaient plus que fauchés. Alors, les gens de Toyota se sont dit « il faut quand même qu'on essaye de faire des voitures qui seront des voitures correspondant à notre époque, c'est-à-dire pas la voiture modèle T noire, etc., mais avoir une certaine diversité, et faire en sorte que ces voitures, on puisse les sortir à un prix raisonnable, même si on n'a pas les quantités, même si on n'a pas cet effet de masse sur lequel jouait Ford. Alors, ils ont inventé des tas de choses, et ces tas de choses tournaient autour de la qualité, parce que la première remarque qu'ils ont faite, c'est que ça coûte moins cher de produire une voiture qui fonctionne parfaitement du premier coup que de produire une voiture et puis ensuite d'être forcé de la reprendre, de la retoucher, de la réparer, etc. La deuxième chose qu'ils ont tout de suite vue, c'était que quand vous faisiez vos comptes, les stocks coûtaient énormément cher. Donc, pas de stock, la qualité du premier coup, essayez d'éviter la bureaucratie compliquée, zéro papier. Alléger. C'est-à-dire qu'ils essayent de produire des voitures en fonction de la demande qu'il leur est adressée par le marché, par les clients. C'est ça le flux tendu. C'est on manage en fonction, non pas des pièces qui arrivent, de la matière première, etc., mais de la sortie. C'est tiré par la demande. La production est tirée par la demande. C'est pas le type qui produit, et puis ensuite qui s'inquiète de savoir comment il va vendre. C'est, on a une demande, on essaye de la connaître le mieux possible, et on produit en fonction de la demande. Qu'est-ce que c'est le Kanban ? Le Kanban, c'est l'amélioration permanente, quoi. Et l'amélioration permanente, là, c'est un autre aspect, bien sûr, du management à la japonaise, hein, un aspect qui est extrêmement important. C'est le fait que, pour arriver à ce que je viens de vous décrire rapidement, hein, c'est-à-dire pas de stock, des voitures qui sortent impeccables du premier coup, etc., il faut faire un effort qui est un effort permanent. Mais à quel moment ça peut rencontrer cette zone qui était évoquée précédemment sur la nécessité de maintenir le flou? Là, il semble qu'avec cette approche, disons radicalement maîtrisée, le flou est de moins en moins d'espace, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a les opérations et il y a les articulations entre les opérations. Toyota, il joue beaucoup sur les opérations elles-mêmes. Par exemple, le changement d'outil. Un changement d'outil, quand vous avez deux modèles qui suivent sur une même chaîne, ce qui était bien sûr leur cas parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir une chaîne par modèle, ça pouvait prendre des heures, voire deux jours ou trois jours. Parce que c'est des choses énormes, des presses, etc. Bon. Ono, pendant plusieurs mois et plusieurs années même, s'est attaqué à cette question. Et par des améliorations qui sont des améliorations qu'on peut considérer comme minimes, il a réussi à faire en sorte qu'on change d'outil en moins de 10 minutes. Alors, un exemple, vous aviez, pour faire tenir les pièces de votre outil, alors outil, il faut prendre ça comme un truc qui pouvait être énorme, ensemble, vous aviez des boulons, bien sûr. Alors eux, ils ont imaginé des clips. Donc au lieu d'avoir un type qui serre un boulon pendant 3 minutes, vous avez un clip qui en 2 secondes est en place. Et tout un tas d'astuces comme ça. Alors ces astuces, elles ne tombent pas du ciel. Et l'une des forces de Toyota de l'époque, là, du système Toyota de l'époque, c'est que les ingénieurs de chez Toyota ont compris que les gens qui connaissaient le mieux les machines, c'était évidemment les gens qui passaient 10 heures par jour dessus, hein, c'est-à-dire les ouvriers, les chefs d'équipe, etc. Leur grande force, ça a été de dire, on va mettre ensemble tous ces gens-là, équipe par équipe, machine par machine, pour leur faire donner les idées qu'ils pourraient avoir, et qu'ils ont forcément, puisqu'ils passent leur vie là-dessus, pour améliorer le système. Donc, des améliorations qui sont des améliorations souvent minuscules, mais qui, petit à petit, finissent par changer le système tout entier, quoi. Nous retrouverons demain Marc Mously pour la suite de cette série consacrée à l'industrie automobile, à la fois dans son management, mais également dans son organisation. Ceci dans la perspective du prochain documentaire d'Histoire vivante, à voir dimanche soir sur RTS2 et depuis le début de la semaine sur le site des docs de la RTS. Un documentaire consacré à Joseph Ganz, l'inventeur de la coccinelle. Thank you.